Chapitre 11e. Quelques semaines après, un jeudi, Madame de Busserolles, étendue nonchalamment sur sa chaise longue, recevait ses fidèles. Le soir tombant, n'éclairait plus que vaguement les hauts lambris noircis du salon. Un maigre feu fumait dans la vaste cheminée sans les chauffer. La lueur incertaine des tisons permettait à peine d'apercevoir Tancrède de Busserolles occupé à tourner ses pouces dans une encoignure et de distinguer les traits d'un grand et gros personnage à perruque noire, décoré, solennel et portant des lunettes d'or. « En vérité, mon cher Jolivard, disait d'une voix plaintive Madame de Busserolles, je ne comprends pas la division des théâtres. J'ai un drame à l'Odéon et une comédie aux Français, et je ne puis venir à bout d'obtenir une lecture. Vous devrez bien en toucher deux mots à votre ministre. Mon drame, surtout, ferait le plus grand effet à la scène, et si vous ne restiez ce soir, vous pourriez en juger. Justement, Mademoiselle Sénéchal, une artiste d'avenir, doit en répéter des fragments avec Saint-Félix. Je ne sais si nous avons un dîner passable. Tancrède ! Quand Madame de Busserolles voulait inviter quelqu'un, elle ne manquait pas au préalable d'interpeller son mari avec un clignement d'yeux significatif. Mais ce soir-là, Tancrède fit la sourde oreille. Le dîner était court, on attendait déjà 5 convives, et puis en descendant la cave, le petit homme avait constaté que son bain de Saint-Mihiel allait grand train. Aussi Madame de Busserolles eut beau répéter « Tancrède !» et s'agiter sur sa chaise longue. Tancrède ne grouillait pas plus qu'une souche. « Allons, soupira-t-elle, il paraît, mon pauvre Jolivard, que nous avons un maigre dîner. Et vous risqueriez de mourir de faim. Ce sera pour un autre jour, à moins que... Au fait, ajouta-t-elle en minaudant, voulez-vous aller chercher votre plat ? Entendez-vous avec Clairette, elle vous conseillera et vous ne resterez. Nous dînerons gaiement, en famille, n'est-ce pas, Tancrède ? Monsieur Jolivard, chef de bureau aux Beaux-Arts, aurait pu rendre des points à Tancrède en fait de ladrerie. Il hésita un moment, puis songeant sans doute qu'un refus aurait mauvaise grâce, il se dirigea avec dignité vers la cuisine où trônait Clairette. Quand il rentra au salon, d'un pas de sénateur, il y trouva les convives de Madame de Busserolles, Saint-Félix, Mademoiselle de Bois-Simon, la jeune Levray, Angèle et René des Armoises. Depuis leur première rencontre dans la maison de l'île Saint-Louis, le poète et sa jeune compatriote s'étaient revus plusieurs fois. Madame des Armoises, qui était venue à Paris rejoindre son fils et qui était cousine des Busserolles, se montrait fort assidue aux réunions du jeudi. Plus ambitieuse que jamais pour René, elle rêvait maintenant de le marier avec la nièce de Tancrède, la jolie Marthe de Bois-Simon. Des Armoises ne s'amusaient guère dans ce salon, qu'il appelait irrévérencieusement le grenier aux fruits secs. Il s'y laissait traîner en rechignant. Néanmoins, depuis qu'il avait retrouvé Angèle, il se faisait moins tirer l'oreille. L'imprévu de cette rencontre avait plu au poète. Puis le séjour de Paris avait donné à la beauté de Mademoiselle Sénéchal je ne sais quoi de plus attirant. Avec son esprit mobile, passionné, curieux, René n'était pas fâché de jeter la sonde dans cette âme naïve et d'être le premier à y découvrir des trésors de jeunesse et d'enthousiasme. Il pressentait au fond de ce cœur de jeune fille un sanctuaire bien clos, bien intime, dont il était le dieu, et il ne lui déplaisait pas de savourer l'encens qu'on y brûlait en son honneur. Ce soir-là, il était plus en verve et plus séduisant encore que de coutume. Son premier livre de vers, publié récemment, avait réussi au-delà de ses espérances. Les journaux en avaient cité des fragments. On l'avait sérieusement discuté et chaudement accueilli. Cette réussite rapide avait donné à son esprit des ailes d'une plus large envergure. Il se sentait léger comme un oiseau. La satisfaction du succès remplissait son cœur, irradiait au dehors et illuminait son visage. Il s'approcha d'Angèle et sa gaieté communicative gagnait déjà la jeune fille quand on annonça que le dîner était servi. On passa dans la salle à manger, haute, maussade et glaciale. Madame de Busserolles s'assit entre Jolivard et Saint-Félix. Accoudée contre le poêle, la jeune Levray, après avoir énergiquement refusé de prendre part au festin, regardait d'un air ironique les mines des danseurs avalant leur potage. Ses instincts aristocratiques et ses délicatesses de gourmet avaient toujours répugné au pique-nique de Madame de Busserolles. Il ne se gênait pas pour traiter tout haut de galimafré, les plats étranges servis sur la table de Tancrède. De temps à autre, il décochait une méchanceté à l'amphitryon ou murmurait une galanterie à l'oreille de la maîtresse du logis. René et Angèle devisaient gaiement, et le jeune homme, tout occupé de Mademoiselle Sénéchal, semblait oublier complètement Mademoiselle de Boissimon, qu'on avait cependant eu soin de placer à sa gauche. Négligée par son voisin, la jolie Marthe se rabattit sur son oncle et celui-ci, qui n'avait pas trop de toute son attention pour surveiller le service des domestiques et le va-et-vient des bouteilles, se prêtait en rechignant au bavardage de sa nièce. Saint Félix, lui, mangeait copieusement et buvait d'autant, ce qui ne contribuait pas à rasséréner M. de Busserolles. La visible mauvaise humeur du petit homme fit germer une malice dans le cerveau de la Genevraie. Sous prétexte d'une soif ardente, il demanda un verre, et il aida le comédien à vider la bouteille que M. de Busserolles couvait des yeux. « Mais mangez aussi, alors !» s'écria Tancrède, furibond. « Mettez-vous à table, j'aime mieux cela !» Pour toute réponse, la Genevraie leva son verre à hauteur de l'œil. « Joli vin » murmura-t-il d'un air narquois. « Il se laisse boire. Vous reste-t-il beaucoup, Busserolles ?»« À peine quelques bouteilles !» grogna mélancoliquement le bonhomme. « En ce cas, gardez-les pour faire du vinaigre !» répliqua Gaspard de sa voix de chantre. Cette saillie impertinente qui montrait trop crûment le sans-gêne avec lequel la Genevraie traitait ce singulier monde fut accueillie par Busserolles avec un si grotesque ahurissement qu'Angèle et René ne purent s'empêcher de rire derrière leurs serviettes. Il n'en fut pas de même de Madame de Busserolles. Elle trouvait que le sans-façon de Gaspard dépassait les bornes, surtout en présence de M. Jolivard. Elle était irritée, son teint bilieux était devenu vert. Elle n'osait s'attaquer à la Genevraie, mais ses regards courroucés cherchaient quelqu'un sur qui elle pût prendre sa revanche. Elle avisa tout à coup René et Angèle, dont les yeux étincelants trahissaient l'excessive bonne humeur. Au même moment, une remarque plaisante du jeune homme acheva de faire perdre à Angèle son sang-froid. Elle fut prise d'un fou rire qu'elle ne put étouffer et qui s'égrena dans la salle sonore en roulade perlée. Madame de Busserolles fronça les sourcils. « Je ne vois pas, » dit-elle aigrement, « ce qu'il y a de si risible. » Les rires redoublèrent. « Enfin !» continua-t-elle outrée en se tournant vers Jolivard, comme pour lui communiquer une observation visiblement adressée à Angèle. « Enfin, je n'ai pas de chance. » On devrait y regarder à deux fois avant d'obliger les gens. Les singulières façons de certaines personnes forcent parfois une maîtresse de maison à se repentir de les avoir reçues. Cette fois, le reproche avait porté. Le rire s'arrêta net. La figure d'Angèle changea, ses joues et son front rougirent, tandis que le tour de ses lèvres devenait très pâle. On s'est élevé pour passer au salon. Au lieu de suivre les convives, la jeune fille se dirigea vers l'antichambre. Madame de Busserolles sentit qu'elle avait été trop loin. Angèle partie, il n'y avait plus moyen de faire entendre les fragments de son drame à M. Jolivard. « Eh bien, qu'a donc cette petite ? » s'écria-t-elle en se radoucissant. « Monsieur René, allez voir, je vous prie, quelle mouche l'a piquée, et ramenez-nous-la. » René trouva Angèle occupée à s'envelopper dans son manteau. « Comment, vous partez ? » dit-il. « Oui, je ne veux pas rester dans une maison où l'on m'a fait sentir si amèrement le peu que je suis. » Ses narines frémissaient, elle avait des larmes de la voix. « Ma foi, » reprit-il, « vous avez raison, je vais vous imiter. Vous ne vous en retournerez pas seul et je vous reconduirai. » Ils s'esquivèrent ensemble. Quand ils furent sur le quai, des armoises vit, au rayon de la lune qui se levait, que les joues d'Angèle étaient humides. « Bois, » fit-il, « ne pleurez pas pour si peu. Cette vieille folle ne vaut pas une de vos larmes. Réjouissons-nous plutôt d'être sortis du grenier aux fruits secs. Prenez mon bras. Nous allons marcher doucement le long des quais et ce charmant clair de lune nous remettra de bonne humeur. » Ces paroles cordiales rassérénèrent Angèle. Elle se trouvait heureuse d'appuyer pour la première fois son bras sur celui du poète. Elle se réjouissait en pensant qu'ils avaient encore un long chemin à faire ainsi en tête-à-tête, dans cette solitude intime de la nuit. Elle oublia vite l'algarade de Madame de Busserolles pour savourer à son aise la joie d'entendre parler René. L'air était doux, le quai presque désert. La lune jetait de longues traînées diamantées sur la Seine qui coulait avec un bruit caressant. De loin en loin, l'évêque de Gaz se mirait dans la rivière et le reflet rouge dansait par centaines dans le courant. On eût dit une mystérieuse fête donnée par les esprits de l'eau. « La belle nuit !» s'écria René en montrant le ciel limpide et la Seine illuminée. « C'est une soirée à faire d'années d'envie les saints du paradis. Paris a un air de féerie, et je sens moi-même un enchantement qui me met le cœur en fête. « C'est que vous nagez maintenant en pleine gloire, » répondit Angèle souriante. « Tous les journaux parlent de vous, et votre succès vous monte à la tête. « Croyez-vous que je me grise pour si peu ?» se recria-t-il. « Je ne suis déjà plus d'âge à éprouver une satisfaction béate devant un article de journal. Non, j'aspire à mieux que cela. « Oh, » dit la jeune fille, « vous êtes ambitieux. Vous en avez le droit. Savez-vous ce qui me rend heureuse ? C'est que j'étais la première à prédire votre succès. Combien de fois ai-je répété à ce bon Joseph Toussaint ? C'est un vrai poète et il réussira. À propos de Joseph, que devient-il ? Je ne sais pas. Il a quitté B en même temps que ma mère et nous n'avons plus de ses nouvelles. Comme vous dites cela de l'air détaché d'une belle indifférente, et pourtant il était amoureux de vous, le pauvre garçon. Croyez-vous ? Répliqua-t-elle avec une moue coquette. Si je le crois, j'ai été plus d'une fois jaloux de lui. Vous ? S'écria Angèle. Il y avait de tout dans ce simple mot, de la surprise, de la joie, de la reconnaissance, et aussi une éclatante affirmation de l'immense supériorité de René sur l'obscur Joseph. Des armoises lut toutes ces choses dans les traits de ce jeune visage, vers lequel son front s'était penché curieusement, et il dégusta comme une exquise liqueur cet aveu ingénu qui flattait son insatiable amour-propre d'artiste. « Ne vous moquez pas de moi, » reprit-elle d'une voix moins assurée. Puis elle se tut, tandis qu'à leur tour ses regards se levaient timidement vers le visage de René. À la clarté de la lune, ses yeux bleus épanouis semblaient demander à ceux du poète si réellement la petite fille de la rue de Savonnières avait occupé sa pensée pendant seulement une heure. René devina cette muette interrogation. « Je ne me moque pas, je vous le jure, » répondit-il en homme à qui les serments ne coûtent rien. « Lisez mes vers attentivement. » Vous y retrouverez plus d'un souvenir de ce joyeux bal où nous avons valsé ensemble. Je vous vois encore avec votre robe de pensionnaire, à demi montante et des muguets à la ceinture. C'est de ce soir-là que j'ai senti mon cœur pris. Et pourtant, soupira-t-elle, vous êtes parti. Elle s'arrêta, honteuse d'avoir osé articuler ce reproche, mais ses regards expressifs achevèrent ce que sa bouche n'avait pas murmuré. René, touché de la justesse de cette réflexion, ne savait comment répondre. « Oui, » dit-il enfin, « je suis parti, mais en m'éloignant, je me sentais navré. Et ce qu'il y a de pire, je ne pouvais m'en prendre qu'à moi de ma souffrance. « Ceux qui s'en vont ne souffrent guère, » reprit Angèle en secouant la tête. « La vraie tristesse est pour ceux qui restent. « Cher enfant, » s'écria-t-il, sérieusement ému cette fois, et prenant l'une des mains de la jeune fille, il posa ses lèvres sur la naissance du poignet. Angèle s'arrêta, oppressée par une sensation délicieuse. Ah, ce premier baiser sur le quai désert! Combien de fois elle devait se le rappeler plus tard! Comme cette rapide minute d'amour chaste, brûlant, sincère, resta gravée au fond de son cœur, avec les plus minutieux détails du moment et du lieu. Il longeait le quai de Montebello. En face d'eux, de l'autre côté de la Seine, Notre-Dame se dressait avec ses rosaces et ses ogives baignées par la lune. Au milieu d'une nimbe de vapeur transparente, la cathédrale apparaissait comme la chasse grandiose d'un merveilleux reliquaire, tout scintillant de pierreries. Au loin, de lourdes voitures roulaient sourdement sur les ponts étoilés de becs de gaz. Des mariniers se hêlaient en poussant leurs barques. De rares passants affairés frôlaient le couple appuyé contre le parapet et lui jetaient des regards tantôt curieux, tantôt ironique. Mais Angèle et René n'y prenaient pas garde et se croyaient au bout du monde. Le poète tenait toujours la main de la jeune fille emprisonnée dans la sienne et tous deux restaient immobiles dans l'ombre. « Je vous aime, » murmura tout à coup René, exalté par la beauté d'Angèle, par la poésie de la nuit et aussi par ce bain de la jeunesse qui bouillonnait dans ses veines. « Bien vrai ? » demanda-t-elle, en levant vers lui ses yeux reconnaissants. « Si vous saviez comme j'en suis fière. » Puis, entraînée à son tour par le bonheur et la jeunesse, elle eut un élan de confiance et lui ouvrit son cœur. « Si vous saviez, » reprit-elle, « comme je vous ai aimé dès le premier jour où je vous ai vu, vous passiez à cheval sur le petit pont de l'église des Augustins et je vous regardais de ma fenêtre. Au bruit de l'écluse de la filature, votre cheval s'est cabré, mais vous vous en êtes vite rendu maître et dans le mouvement que vous faisiez pour le maintenir, une rose qui fleurissait votre boutonnière est tombée sur le trottoir. Personne ne la voyait. Elle est restée ainsi au pied du parapet jusqu'à la nuit. J'avais si peur qu'on ne la ramassât. Je ne la quittais pas des yeux. À la brune, je me suis glissé dehors et vite je l'ai emportée toute fanée. Avec quelle joie! Je ne devrais pas vous dire tout cela. Quand vous saurez à quel point j'étais folle, vous ne m'aimerez plus tant. Charmante fille, pensait René en lui serrant les mains. Tout ce qu'elle me dit me donne au cœur une émotion que je n'avais jamais éprouvée. Ma foi, tant pis, je l'aime, advienne que pourra. L'horloge de Notre-Dame sonna l'heure lentement, et toutes les églises environnantes la répétèrent avec elle, avec des intonations argentines ou graves, brèves ou traînantes. 11 heures, murmura Angèle, il faut que je rentre, ramenez-moi vite. Ils se remirent en marche, mais sans trop se hâter. La nuit était si clémente, la prime fleur de l'amour si embaumée et si douce à respirer. Angèle contait ses impressions de jeune fille. René parlait de ses projets de poème. Sa bouillonnante imagination s'épanchait avec une joyeuse abondance. Il se plaisait à développer ses pensées les plus enthousiastes, ses fantaisies les plus éblouissantes. C'était une jonchée de poésie colorée et pénétrante qu'il répandait aux pieds de la jeune fille, comme au fait Dieu ses poignées de roses effeuillées qu'on jette au-devant des images saintes. En l'écoutant, Angèle sentait son cœur se gonfler à éclater, tant il était plein d'admiration et d'amour. Au milieu de ses effusions et de ses confidences, ils avaient atteint la hauteur de la rue Monsieur le Prince. « Me voici chez moi, » dit Angèle en soulevant le lourd marteau de la porte. « Déjà ?» fit René en lui serrant longuement les deux mains. « Au revoir et merci, » répondit-elle radieuse. Elle entra, puis, passant sa tête par la porte entrebâillée, « Venez à la maison, » ajouta-t-elle. « Maman sera si contente de vous revoir. » « Bonne nuit et à bientôt !»